فكما قلت يعني أن يعني السور التي تكون يعني في جزء عما هي السور التي تقرأ كثيرا في الصلوات، هي تقرأ كثيرا في الصلوات، فعلى المسلم أن يفهم ويعلم ما فيها من الأخبار وأحكام وحكام. فيقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بدأ سبحانه وتعالى بالسؤال، هناك السؤال عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون الناس بعضهم بعد، ثم جاء بعد ذلك بالجواب، بعد أن سأل أجاب بنفسه سبحانه وتعالى فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ بمعنى الخبر، والنبأ بمعنى الخبر أو يعني بمعنى كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النبأ العظيم، لأن فعلا هو عظيم، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، سواء أن كان في الأحكام والحكام وأخبار الأمم السابقة وأخبار عن الله سبحانه وتعالى، أسمائه صفاته أفعاله أوامره، وكذلك عن البحث، عن البحث الذي كان أكثر الناس لا يؤمنون به، لا يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، يؤمنون بأن الله هو الذي رزقهم، لكن ما أمنوا بالبحث، ما أمنوا بكونهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحشرون، الذي هم فيه مختلفون. فهو النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم تأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال سبحانه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبر بأنهم سيعرفون ذلك، سيعلمون حق اليقين، حق اليقين لما سيقفون عند الله سبحانه وتعالى، يقفون عند الله سبحانه وتعالى فيشاهدون كل شيء، سيكونون شهداء، هم شاهدون في كل شيء. الآن لا يشهدون شيء في يوم الآخر، لكن هناك سيشهدون، وحتى لسانه ألسنتهم أيديهم أرجلهم سيشهدون على ما فعلوا. اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك حسيبا. فلما تأتي الحساب يأتي، تأتي الصحف عنده، فهو بنفسه سيقرأ، ولو كان لا يقرأ في هذه الدنيا، أما هناك الله سبحانه وتعالى سيرزقه هذه القراءة، يستطيع أن يقرأ، فسيرى أعماله جميعا، فسيعلى أعماله صغيرها وكبيرها. دونك لا سورات كي دونك لا سورات النبأ لانونس سورة النبأ. Allah commence et débute par une question. Il dit « Sur quoi ?» Donc ils se questionnent les uns envers les autres, les uns des autres. « De quoi donc s'interroge-t-il »« De quoi s'interroge-t-il » Ça c'est une question. Et puis il vient juste après, subhanahu wa ta'ala, par, donc sur l'annonce qui est terrible, la grande annonce. « Anin naba il adim » Donc la grande annonce. « Anin naba » donc c'est tout ce dont est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les annonces de ce qu'il va devenir, parmi ce qui s'est passé, parmi les règles religieuses, parmi les hikam, donc les bénéfices à prendre, les gains à prendre, ainsi que bien sûr parmi ceux que Allah, parmi ceux qu'il a prononcé, donc là où Allah subhanahu wa ta'ala s'est dévoilé, donc ses noms, ses attributs, ses ordres, ses actes, là où ils ont été en divergence, ils ont été en divergence. Minhum yani ma yu'minu wa minhum man la yu'min. Donc parmi eux, des gens qui croient, et parmi d'autres, des gens qui ne croient pas. Donc ils acceptent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Mais pourtant ils refusent qu'ils vont être ressuscités à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils refusent donc le fait qu'ils vont être ressuscités donc, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont surtout en divergence sur le fait de dire qu'ils vont être ressuscités. Et certainement, ils vont le savoir. Et puis, certainement, oh que oui, ils vont le savoir. Ils le sauront. Donc ils seront témoins. Car ils verront tout cela de leur, bien sûr, avec leurs yeux. Ils seront témoins. Ils seront non seulement témoins, car on peut très bien, ici, dans la vie ici, ils seront témoins, donc d'un témoignage qui sera parfait. Bikhilaf, shahada fi hadi dunya. Qad anta mumkin sami'ta ashya wa bad ayyam nasita. Aw akhtat yani fi naql al akhbar. Wa mumkin ra'ayta ashya wa mumkin yani marita kull shay. Amma fi al akhirah la تكون يعني شهيدا بكل ما سمعت وما أردت ما رأيت بخلاف هذه الدنيا قد إنسان يمكن يوم بعد وخمسة دقائق بعد ممكن يخطئ في شهادته يقول الله من هذا الذي فهمت ولا هذا الذي سمعت قد يعني أخطأ في نقل الأخبار et certainement ils sont témoins donc de la meilleure façon car dans la vie d'ici bas on peut très bien se tromper même 5 minutes après avoir vu ou entendu quelque chose on peut très bien répéter la chose mais en se trompant sur les mots en ne disant pas donc ce qu'il a été réellement dit. Et de la même façon, on a peut-être vu des choses, mais peut-être on n'a pas tout vu. Il se passe des choses, des fois, et alors même j'ai cru voir ça. C'est pas sûr. Parce que là, il y a un témoignage qui est sûr et certain. Donc, il n'est pas sans manquement, sans omission. Et aussi, les personnes vont être témoins. Leurs mains, leurs pieds vont témoigner de ce qu'ils ont fait. Leurs mains, leurs pieds, leurs bouches vont témoigner de ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala va dire lis ton livre et tu es donc bien sûr ce jour-là donc suffisant toi-même donc tu es en vérité suffisant comme témoin de ce que tu vas lire et tu vas lire donc toute petite et toute grande chose que tu auras fait et même si quelqu'un ne savait pas lire dans la vie d'ici-bas il saura lire dans l'au-delà pour cela. ثم بينا سبحانه وتعالى نعمه على عباده فهكذا لما يذكر سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى يعني أحوال يوم القيامة يرجع إلى ما فعل بهم إلى الخلق وإلى كيف إلى كونه يعني أوجده من عدم وما أصبغه من النعم الله سبحانه وتعالى souvent وكثير ما ترى في كتابه سبحانه وتعالى. Et on voit énormément cela. C'est abondamment mentionné dans les livres d'Allah, le fait que lorsqu'Allah mentionne, elle veut dire que le jour dernier existe, il mentionne donc souvent le fait qu'il les a créés. Il leur signe, donc il leur mentionne ici, il va leur mentionner et leur montrer que c'est lui qui les a graciés. Que c'est lui qui les a graciés, subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, alam naj'alil arda mihada. أي جعل الله الأرض مهادا ومهادا للخلق ليست بصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة وليست باللينة رخوة التي لا ينتفعون بها ولكنها ممهادة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. الله سبحانه وتعالى هناك يعني يريد أن يلفت النظر إلى عقولنا إلى ما نرى إلى ما نفهمه ونعرفه جيدا فلذلك سبحانه وتعالى هناك يعني يلفت أنظارنا النظر إلى التي يعني تتألف به العقل الأشياء التي تتألف بها العقل فبدأ بالأرض الله سبحانه وتعالى يسينو كي va montrer les bienfaits. Souvent, lorsqu'Allah mentionne donc, le jour dernier, il mentionne aussi donc, des choses qui vont en vérité des choses dont on a l'habitude, dont on aime, dont notre raisonnement donc, accepte facilement. Donc ici, en vérité, il nous demande de faire donc d'user de notre raison. N'est-ce pas que j'ai placé donc la terre pour vous comme tapis, un mihada. C'est-à-dire une terre qui n'est pas difficile, dure, ni par le fait de pouvoir marcher sur cette terre. Ça ne sera pas une terre trop dure, afin que ce soit difficile d'y marcher, et aussi afin que l'on ne peut pas en vérité donc cultiver dans cette terre. Aussi, ce n'est pas une terre trop molle, un peu comme si ça serait des sables mouvants ou autre. Une terre, donc, ni on pourrait y marcher, et ni on pourrait profiter de cette terre. Donc une terre qui est en vérité au juste milieu. Elle est en vérité dans le juste milieu. Ni dure, trop dure, et ni trop molle. En vérité, on peut user de cette terre, pour justement se nourrir à partir de cette terre. C'est pour ça qu'il a rappelé donc la terre à partir de laquelle on va manger. Parce que de là pousse, hein, va sortir donc nos légumes. De là, de cette terre, va sortir nos fruits. Donc les choses que l'on mange tous les jours. Et aussi, donc, le choboub, yani, hein, donc le blé et la khélihi. Wal jibala autada. Aïd ja'ala Allah ta'ala autada. Bimanzilati l'watad lil khayyima. Haythu yuthbituha. Fathabitu bihi wa huwa aydan thabitun kama qala ta'ala. Wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha wa baraka fiha. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ الجذر الوتد بالجدار ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح وهذا من تمام قدرته ونعمته. Et aussi il a planté donc الجبال كأوتاد يعني comme des piquets. Donc il a fait des montagnes, des piquets. Pour qu'en vérité la terre ne bouge pas, qu'elle soit en vérité stable, elle ne bouge pas comme elle veut. S'il n'y avait pas ces montagnes qui sont comme des pieux, c'est considéré comme des piliers dans la maison. Hiaka l'assas fil buyut, elle a dit yabdi l'bayt yabda bil usus yabdao bil usus, les fondations. Fahakala fahya rasakhatun dakhlatun yani ba'ida fil ard. En vérité, donc, elles sont bien, les montagnes sont bien enfoncées, comme des pieux, profondément dans la terre, afin qu'en vérité la terre ne bouge pas. Et ça, c'est prouvé à Kulhel, donc scientifiquement. Et Allah Azzawajal dit bien, donc certes, nous avons fait donc, avec ces terres, donc Rawasiya, et au-dessus d'elles, donc justement, donc, et au-dessus d'elles, donc ces têtes, et on a mis donc la bénédiction à partir de cette terre, de ces montagnes. Donc c'est comme ça. Et le vent, et ni les autres en vérité, ne vont venir gêner, vont venir en vérité bouger ou quoi que ce soit donc dans cette terre. Donc ça, c'est les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma subhanahu wa ta'ala yantaqilu ilayna yantaqilu ila al-insan lama takallama 'an al-ard wa ma yani yuthbitu al-ard yani yarji'u ila khalq al-insan wa khalaqnakum azwaja أي أصنافا ما بين الذكر والأنثى والصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه فهم أزواج مختلفون على حسب ما أرادها الله عز وجل واقتضته حكمته ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة من أب واحد على هذه أصناف متنوعة المتباينة يعني أزواج يعني مختلفة أنواع مختلفة أناس لهم أشكال وتعرف أنه هو عربي وأناس لهم أشكال أخرى وتعرف أنهم هؤلاء أوروبيين وأناس يعني أشكال أخرى وتعرف أنهم جاءوا من الآن من إفريقيا أو من الصين أو من آسيا وغيرها من البلدان فهكذا فهذا بمعنى أزواج إما ذكر أو أنثى يعني رجال والنساء صغير كبير يعني أحمر أسود بالنسبة الألوان ألوان مختلفة بالنسبة الجسم الجلد يختلف يعني ألوانها تختلف وهكذا فهذا المعنى وخلقناكم أزواجا وكذلك هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وأنهم كلهم أتوا من أب واحد يعني آدم عليه الصلاة والسلام وحواء زوجة آدم فهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة فعل ذلك، لحكمته البالغة فعل ذلك. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم التقوى، التقوى يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، وليس كونه يعني يسكن في هذا البلد أو عنده هذه المنزلة، لا، المهم هو يعني منزلته عند الله سبحانه وتعالى حسب التقوى، حسب يعني عبادته سبحانه وتعالى، يعني عبادته لله سبحانه وتعالى. Donc nous avons créé donc par couple, c'est-à-dire pas en vérité genre par type, par catégorie, par genre et par type. Il y a des Européens, il y a des Asiatiques, des Africains, des Arabes, donc des gens donc, qui sont différents par rapport à la couleur. Il a créé des couleurs différentes, hommes, femmes, petits, grands. Donc tout, en vérité tout le monde est bien sûr différent. Et ça, ça fait partie donc de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min yarat min insan. Des milliards de personnes et pourtant chacun est différent. Ça, c'est vraiment une grande preuve de montrer en vérité la capacité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de clones, ce n'est pas tous des gens pareils. Là, c'est tout, donc, en vérité, tout le monde différent. Donc Allah azza wa jalla, en plus il les a créés à partir de Adam alayhi wa sallam, et son épouse Hawa, à partir d'un seul couple. Et pourtant tout le monde est différent. وجعلنا نومكم سباتا فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر بعد ذلك يعني نعمة من نعمه من نعمه سبحانه وتعالى وهذه النعمة الراحة نعمة الراحة le repos الله سبحانه وتعالى juste après ça donc il mentionne les bienfaits du repos أي قاطع عن التعب فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه وهذا من النعمة وهو أيضا من آيات الله كما قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله منامكم شوف بالليل والنهار وابتغاؤكم وبالنهار ابتغاؤكم من فضله فهكذا فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني النوم والنوم هذا نحتاج إليه حتى نستجد لما نستيقظ من هذا النوم نكون يعني نشيطين على النشاط لكي نعمل في اليوم التالي وهكذا. Donc ici certes nous avons fait donc de votre nuit une coupure, c'est une coupure pour la fatigue. Subat en vérité un repos, et ce repos là en vérité c'est une coupure pour la fatigue, dans le sens où tu vas te reposer car auparavant tu t'es fatigué, et pour l'avenir tu seras en forme. Tu te reposes car tu as besoin de ce repos pour plus tard. Et aussi, tu te reposes de la fatigue que tu as eu auparavant. Donc, on voit que la personne se fatigue, elle se repose, elle dort, et elle prend donc des forces, elle récupère ses forces pour pouvoir en vérité être d'aplomb pour après d'appoint pour ce qui va venir, ce qui va devenir. Donc, ça fait en vérité partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses grâces subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit parmi vos signes, votre repos la nuit et dans la journée, ibtira okum min fadlihi, le fait que vous recherchiez, donc c'est bien fait. Fil amal, wa ba'd an-nas yat'abun fil amal, alladhi ya'malu tahta ash-shams wa huwa mathalan yazra, yat'ab, alaysa alladhina ya'maluna fi az-zar' yat'abun, ana fi hadha ash-shahr fi bidayat ash-shahr kuntu yani fil janub wa kana fi majlis alladhi kuntu ulqi ad-durus yani 'indahum aktharuhum ya'malun fi az-zira'a. يعني كنت في المنطقة زراعية في الجنوب والناس هناك المغاربة العرب هناك كانوا يعملون يعني في الزراعة تجدهم في الليل خلاص ما عندهم قوة متعبين يعني وهم في رمضان مع تحت الشمس. On voit bien, sur ce personnellement, on va dire, on donne un exemple de ceux qui travaillent la journée, surtout ceux qui travaillent dans les champs. Et là, au début du Ramadan où j'étais, donc c'est une région où il y a beaucoup de champs, il a khiri, donc les gens ils travaillaient dans les champs, dans la culture. Le soir, il fallait les voir, ils étaient réellement fatigués. Ils jeûnaient, ils travaillaient sous le soleil dans les champs. On voit que des fois, réellement, on voit des gens fatigués après le travail. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا أَيْ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا اللَّيْلَ عَلَى الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ كأن الأرض يعني تلبسه ويكون جبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من آيات العجيبة إذا صعد يعني صعدت في الطائرة وارتفعت يعني وقد يعني غابت الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس، بعد أن ترتفع تجد الأرض كأنما كسيت بلباس أسود. Et nous avons fait donc, yani aladi yakun fok l'ard bitayra khasan waqt al maghrib yara yara fok yani yara shams yara fok huwa fok fok dhil khas yani bima'na al ard al faqat hiya aladi yani tajid fiha yani tajidu fiha yani hada sawt wa anta tara la la wa anta fok al ard wa la zalt tara yani mada tara al shams wa dhu' al shams ka anna lubisat bi libas bi jilbab al aswad hakala. وهذا صحيح الذي سافر فيعرف ذلك. Donc et nous avons fait de la nuit donc un habit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a fait donc de cette nuit un habit qui recouvre, c'est comme si c'était un habit qui va recouvrir cette terre. Imaginez-vous un grand tissu noir et qui va recouvrir cette terre. Donc elle va l'habiller, c'est comme si c'était un gilbab qui l'habille. Et celui qui a voyagé et qui a déjà donc vu ça, c'est lorsqu'il est dans l'avion au-dessus de la terre et qu'il est quand même un nœud, donc il est assez haut, il voit cela. Lorsque vient l'heure du Maghreb, il voit, lui il voit encore le jour, alors qu'il voit qu'en dessous de lui, il voit que cette terre elle est recouverte de noir. Il voit que c'est vrai, elle est recouverte avant que vraiment la nuit totale vienne. Il voit cette chose-là. Il voit en vérité que, parce qu'il est encore lui, donc éclairé par le soleil, mais en dessous de lui c'est noir. Parce que c'est, sur la terre c'est la nuit, là où il est, donc dans cette région, c'est donc la nuit est tombée. وجعلنا النهار معاشا أي معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. Et nous avons fait donc de la nuit tellement donc un moment de vécu dans le sens où les gens vont vivre, les gens donc يعيشون فيه عادة الناس نائمين فكأنهم ليسوا يعني مع العايشين مع الذين يعيشون نائمين فهو لا يتحرك العايش هو الذي يتحرك هو الذي يفحل ويتكلم أما النائم لا يفحل شيء شبه النوم شبه الموت يعني لأن النوم يعني الموت الصغير يعني النوم بمنزلة الموت الصغير. Donc ici il a fait de la vie donc c'est-à-dire du vécu dans le sens où on est en train de vivre, car en réalité lorsque tu dors c'est comme si tu étais mort, alors que tu ne vis pas, tu ne parles pas, tu es en train de dormir, c'est comme si tu ne vivais pas. Parce que tu n'es pas en train de parler, tu n'es pas en train de gesticuler, tu ne bouges pas, tu es dans le même endroit. Hein, et tu es dans le même endroit. حتى بالنسبة للوقت يختلف. أنت ممكن تنام 8 ساعات فكأنك عندك يعني كأنك نمت يعني 5 دقائق. ما عندك يعني الوقت يتغير حتى في النوم. وهكذا حتى في البرزخ. حتى هكذا حتى في القبر. الوقت يكون يعني سريعا جدا. لا يكون يعني ك Donc on voit ici, ils ne vivent pas, parce que ce n'est pas la même chose dans cette nuit. Et on voit que la personne, lorsqu'elle dort, même si elle avait dormi 8 heures, il n'aura pas ressenti avoir dormi 8 heures. En vérité, il a l'impression de dormir peut-être 5 minutes, il ne sait pas. Il ne connaît pas donc la valeur du temps. Et c'est la même chose dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le barzakh plutôt, dans la tombe. Les gens ne connaîtront pas la valeur du temps. Il y a des gens qui sont morts. Pardonnez-moi, tout le monde, ouluf sana. Fahwa layajid al-waqt. كأنه يعني وجدها كأن يعني وجد هذا الوقت يعني طويلة جدا لا يكون كالساعات التي نعرفها في هذه الحياة الدنيا. Il ne connaît pas le temps de la même façon que là. Il verra le temps beaucoup plus rapide, alors qu'il vit des milliers d'années. C'est énorme. Il peut très bien vivre dans sa tombe des milliers d'années. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذكر يعني ما يحتاج إليه الإنسان وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني سبع سماوات يعني السبع سماوات وبنينا فوقكم سبعا شدادا هي السماوات السبع وصفه الله عز وجل بالشداد لأنها قوية كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فالسماء الله سبحانه وتعالى بناها بأيد يعني بقوة هكذا. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de nous, donc il a construit les sept cieux. Wa hiya fi ghayri amad, ma tahtaj ila amud, sama. هي ليست يعني لينة إنما هي قوية. الشخص لا يدخل بين السبع سنوات لها أبواب ما يدخل هكذا، لا يستطيع أن يدخل هكذا إلا إذا فتحت له. Les cieux, on ne peut pas y rentrer. Hein, donc les sept cieux, il y a sept. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Allah Azzawajal, donc il dit bien qu'on les a créées avec force. Les cieux, nous les avons créés avec force. Elles sont au nombre de sept. Elles ont des portes. Et tu n'y entres pas dans ces cieux que si les portes elles sont ouvertes, que ce que par la permission d'Allah Azzawajal. Et les anges ouvrent les portes. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا يعني بذلك الشمس فهي سراج مضيء وهي أيضا ذات حرارة عظيمة. كذلك يعني on a mis donc dans ces cieux-là donc الشمس الله سبحانه وتعالى يذكر هناك يعني أعظم من أعظم مخلوقات يعني parmi les créatures les plus importantes les plus grandes et cette lumière donc qui en vérité donc une lampe et en plus une source de chaleur. ونحن نحتاج إلى سراجها وكذلك إلى حرارتها من كلاهما، نحتاج إلى كلاهما، إلى أو يعني إلى ضوئها وإلى حرارتها. On a besoin en vérité des deux. On a donc le ciel, le soleil, il a fonction donc de donner de la chaleur, mais aussi fonction d'éclairer. Il a deux fonctions ici, d'éclairer et de donner de la chaleur. وهكذا وهاجة يعني وقادة حرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها ساحق عن الأرض. الناس يعرفونها في الصيف خاصة الذين يسكنون في الصحراء الذين يسكنون في أماكن التي فيها يعني الشمس قوي يعرفون ذلك 50 55 60 يعرفون هذه ما معنى 60 درجة. فكيف وهي الشمس هي بعيدة فكيف بها بنفسها. Alors que dire que on va tout du soleil lui-même la chaleur qu'elle dégage alors qu'elle est très très très loin et pourtant des endroits elle dégage 60 degrés à peu près 50 degrés, 60 degrés de chaleur pour ceux qui vivent dans vraiment les endroits où il fait très très chaud. فهكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني إذا جاء الحرارة إذا جاءت الحرارة خاصة وقت الظهر فيجوز التأخر بوقت الظهر إذا كان الناس يعني يصعب عليهم الخروج من البيت إلى المشي إلى المسجد فيؤخرون وقت الصلاة مثلا ساعة بعد أو ساعتين وبعد حتى يأتي البرد يعني يبرد شوية حتى يبرد يعني الوقت الحال يعني تكون يعني باردة الجو يكون بارد فهذا جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأبردوا بالصلاة بمعنى أخروا وقتها وقت صلاة الظهر يجوز ذلك لأن شدة الحر من فيح جهنم. Donc lorsque la chaleur devient intense, donc refroidissez la prière dans le sens en vérité donc priez au moment où le temps va se refroidir. Donc délaissez, attendez un petit peu une heure et demie, deux heures au moment où ça va se refroidir. En général c'est à peu près deux heures après. Une heure et demie il fait encore bien chaud. À peu près ça se refroidit un peu, ça se calme et allez prier. Donc c'est permis parce que c'est difficile. يصعب على الإنسان يمشي وإذا ضربه الشمس كيف هو يكون يعني خاشعا أمام الله سبحانه وتعالى وقد ضربه الشمس يصعب عليه. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يأتي أمام الله عز وجل خاشعا فيؤخر الصلاة ما دام هو في وقت الصلاة يعني ما دخل وقت العصر فلا بأس به. Donc il va parler ici l'arrivée alors que le soleil lui a tapé donc en pleine tête comme on dit donc il peut notre main en ce moment peut-être attraper une insolation ou avoir très mal à la tête et en ce moment-là comment il va prier correctement comment il va être en réalité donc c'est-à-dire le khashi' il va être humble il va être concentré dans sa prière il n'arrivera pas en vérité à obtenir cela donc c'est permis de reculer en vérité donc cela la prière فهناك مصلحة أولا للجسم وحتى للخشوع مصلحة بدنية ودينية مصلحة بدنية ودينية en vérité il y a une maslaha, il y a quelque chose qui va nous arranger pour nous, non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre religion. وهكذا. وحتى يعني سراجا وحتى الأرض تحتاج إلى هذا الشمس. أليس عادة الذين مثلا يعني يزرعون مثلا العنب وأشياء كثيرة الذين يزرعون يعني يفضلون أن يزرعوا في المكان يعني مرتفع على الجبال. حتى الأرض تضرب جميع الأمور، تضرب يعني جميع العناب. أما إذا كان على الأرض يعني سطحي مستوي، قد يضرب هنا ولا يضرب هنا، لأن يعني الظل هذا ممكن يعني يكون على هذا. أما إذا كانت هكذا الأرض مرتفعة على الجبال، يكون أسهل للشمس أن يضرب الأرض. أصحاب الزراعة يعرفون ذلك، أصحاب الزراعة يعرفون ذلك. Le soleil on en a besoin. Et c'est pour ça qu'ils utilisent les cultivateurs. Et de préférence, ils préfèrent avoir des fois des collines, des monts. Parce que quand c'est des monts, le soleil va tout toucher. Tandis que quand c'est plat, il y aura des fois, donc certains plans, ils vont quoi ? Et donc ils vont donner l'ombre à d'autres plans. Donc il y aura des endroits où il y aura plus de soleil que d'autres. Donc ça va peut-être pas en vérité être, ça va pas pousser, donc ça va pas en vérité avoir le même fruit par exemple. Pourquoi ? Parce que le soleil n'est pas touché partout. Mais lorsqu'il est en étage comme ça, comme on voit en Chine ou là, dans les montagnes de Chine ou autres, on voit bien que c'est souvent comme ça. Pourquoi ? Justement pour qu'en vérité le soleil touche tout. Donc c'est le mazla, c'est en vérité un bénéfice pour ceux qui cultivent. Et ceux qui connaissent bien la culture, ils connaissent cela. فهكذا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني الماء فيه رطوبة وفيه برودة وهذا الماء أيضا يعني تنبت وتنبت في الأرض وتحيا به فإذا انضاف إلى هذا الماء ماء السماء حرارة الشمس حصل في هذا يعني إنتاج للثمر ونمو لها على أكمل ما يكون donc ici فيذكر سبحانه وتعالى من المعصرات يعني بمعنى من السحاب المعصرات من السحاب كأنها عصرت إذا أنت يعني غسلت مثلا ثوب أو القميص أو أي شيء سروال فأنت عصرته ماذا يخرج منه؟ يخرج الماء فهكذا فذكر كأنها يعني معصرات يعني أقصد السحاب يعني الماء يجتمع فيها ثم بعد ينزل كأنها يعني عصرت فهكذا ماذا يخرج الماء هناك ثجاجة وهذا من المثاني القرآن جاء للمثاني كثير جدا يعني سمي المثاني فالله سبحانه وتعالى قبل ذلك يعني ذكر الحرارة ثم هناك ثجاجة الماء البارد والإنسان يحتاج إلى حرارة ولا البرد إذا حرارة الشمس مع الماء البارد يعني ينتج نتائج يعني عظيمة بالنسبة للفواكه وبالنسبة الخضروات والحبوب كذلك. Ici Allah عز وجل donc il dit nous avons descendu donc des nuages donc de l'eau froid donc de l'eau qui est froide de l'eau froide. Et juste avant il a parlé de la chaleur du soleil. Et les deux réunis ça justement ça donne de bons fruits de bons légumes. Il a créé même les blés donc les grains tout ce qui est grain. فهكذا donc en vérité donc beaucoup d'eau, donc en vérité donc de l'eau en vérité qui non seulement beaucoup d'eau, en plus cette eau elle est comment elle est donc elle est fraîche, beaucoup d'eau qui est fraîche et qui va en vérité être profitable donc ici ce qui veut dire en vérité sahab, donc les nuages c'est comme si c'était des éponges, c'est comme si ou bien c'était un habit qu'on avait lavé et qu'on est en train de tordre, enfin justement de faire couler l'eau qui est dans cet habit, donc c'est comme si en vérité on est en train de tordre ce nuage et l'eau tombe. Donc là, on l'a appelé de cette façon-là, morfarat, c'est-à-dire le fait de presser. Donc on dit l'arsir, donc le jus, c'est le jus qui a été pressé. Pourquoi on l'appelle l'arsir ? Parce qu'il a été pressé. En fait, l'arsir, ça va être donc asara, c'est le fait de presser quelque chose. Donc asara, il vient du verbe. Donc, pourtant, on l'a appelé arsir, jus. Et qu'il a été en vérité donc pressé pour y sortir ce jus. Donc, les nukhrija bi habban wa nabata. Habban wa nabata. لنخرج بهذا الماء الذي أنزل به من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض ويخرج الله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها. Donc nous avons sorti ici donc le حبوب والنبات. Donc on a sorti en vérité donc de cette eau là. Donc justement donc des grains parmi donc le blé, toutes les semences possibles que vous connaissez, le blé, le maïs, la khili, toutes les semences. Et tout ce qui va pousser, toutes les végétations, jamia al-nabat, toutes les végétations, yani, soit en takun yani faida lana, ou li an'amina, lana ou hatta li hayawanat yani, jamia man yakun fi hadhihi al-ard. Donc ce soit pour nous, mais même pour les animaux, tout cela. Donc tout cela, c'est un bénéfice, ou pour toi, ou pour ton animal, l'animal. Wa jannatin al-fafa, ay basatin, multafa ba'duha ila ba'd. من كثرتها وحسنها وبهائها حتى إنها لا تستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج والزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فاستقيناكموه وما أنتم له بخارجين، عفوا بخازنين، وما أنتم له بخازنين. فهكذا بمعنى أن هنا الماء، حتى الذي الماء يكون تحت الأرض، أصله من السماء، أصل جميع المياه يعني من السماء، جاءت من السماء. فالأرض يعني خازنة الماء لك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن تخزن يعني تخزن الماء لك. فإيسي دونك دي جاردان كي سون نومبرو اي كي سون تور دي جاردان كي سون تور لي زان تور لي زوتر. Et ça donne la beauté à un jardin lorsqu'on va avoir d'autres jardins à côté. Lorsqu'il y a plusieurs jardins, les uns à côté des autres, et qui sont beaucoup et qui sont bien faits, on les considère comme beaux. On les considère comme beaux. C'est comme si on parlait des champs, enfin, Zoro, Azira, plusieurs champs les uns à côté des autres, ça fait plus beau qu'un champ seul. Ça va donc ça va être meilleur. Et bien sûr, ils ont profité de cette eau, qu'elle vienne du ciel ou qu'elle vienne de la terre. Car Allah Azzel dit bien, donc nous avons descendu des cieux, donc de l'eau. Et nous avons abreuvé avec cette eau, et aussi de ce que vous avez aussi gardé. Fil abia, elle a dit yahfur hufar li khazinat al ma. Celui qui va construire, qui va creuser en vérité pour l'eau, pour garder de l'eau, ou bien des puits, ou bien donc des ruisseaux et l'achéri. Kullu hadi al-ashya. Fahakala Allah subhanahu wa ta'ala hunaka dhakara, yani. ما ينعم على الإنسان ذكر ما ينعم يعني به على الإنسان الله عز وجل donc il va être mentionné ici ce qui va être donné comme profit aux personnes. فكيف الناس يعني بعد ذلك يكفرون بالله سبحانه وتعالى فيقول سبحانه وتعالى ليوم القيامة أن ينتقلوا ويرجعوا إلى يوم القيامة. بدأ به بالجملة ثم الآن لا يفصل فيه. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل يعني يوم القيامة بمعنى، وهي يوم القيامة. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الإيمان وأهل العدوان وأهل الاعتدال. ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة وأهل النار، وفريق في الجنة وفريق في السعير. فهكذا الله عز وجل هناك يبين الأمور، حقائق الأمور. هل أنت كنت يعني على الصواب أو هل كنت أنت المخطئ؟ فهكذا، فبعد ذلك يكون الجزاء، هل أنت من أهل الجنة وهل أنت من أهل النار. على الشخص أن ينتبه ودائما يعني ينتبه إلى أعماله، هل يعني عمله فعلا عمل طيب أو لا، يعني أصلا يعني يسأل نفسه في ذلك. Donc certes le jour du discernement de face où il y aura donc la distinction sera un jour donc sera un jour de rendez-vous miqat sera un jour de rendez-vous sûr. C'est le jour dernier car Allah Azza wa Jalla ici il va faire la distinction, la différence, et va juger à Coran entre eux. Donc là où les gens ils ont été en divergence entre eux. Donc par rapport aux gens de la vérité, aux gens du faux, aux gens de la mécréance, aux gens de la foi, aux gens de l'animosité, aux gens qui étaient justes. Et il va aussi faire la différence entre ceux qui vont rentrer au paradis et ceux qui vont rentrer en enfer. Donc un groupe au paradis et un groupe donc en enfer. كان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود لأجل معدود كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. Donc certes il y aura un manque, donc c'est un heure où c'est un heure fixée. Il y a un rendez-vous ici. Il y a un heure fixée. Et c'est pour ça qu'Allah dit bien donc c'est à un moment bien déterminé. Il le dit bien et certes nous ne retardons que pour un moment déterminé. Le jour dernier il sera déterminé. Il est connu auprès d'Allah subhanahu wa taala. فهكذا يعني وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة فكذلك الدنيا كلها تصير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة ولذلك قال سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وكل شيء معدود لأنه ينتهي معدود donc il a un heure fixée et si c'est fixé donc il y a une fin si c'est donc fixé donc il y a quoi ici il y a une fin. Donc, que dire ? On le voit bien. Comme minna, umruhu, 40, 50, 60 sana. Kanaou ma'ash. Kanaou ma'ash, yom ou ba'da yom. 50, 60 sana, 70, 80 sana. Fa'aka'anahu ma'asha qabal zanika. Donc, combien de nous ont vécu 40, 50, 60 ans ? Et c'est comme s'ils n'avaient pas vécu 70 ans. Et si tu poses la question à celui qui est très âgé, il va te dire, mon temps, hein, c'est comme si c'était comme ça. C'est un éclair. Le temps que j'ai passé, j'ai l'impression que c'est un espace donc d'un seul éclair, rapide. Il n'a pas ressenti donc cette longueur. Yawma donc kana miqata. Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Yani donc ici. Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Yawma nafikhu al-muwakkil fiha Israfil. Al-malak alladhi yusamma Israfil. وينفخ فيها نفختين الأولى يفزع الناس ثم يصعدون فيقومون والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم ولهذا قال يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفي الآية إجاز بالحفظ فتأتون يعني أفواجا فوجا مع فوج أو يتلو فوجا وهذه الأفواج يعني والله أعلم بحسب الأمم كل أمة تدعي إلى كتابها لتحاسب عليه فتأتي الناس أفواجا تأتي الناس أفواجا يعني في هذا الموقف العظيم الذي تستوي فيه الأرض فيظهرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عواجا ولا أمة ولهذا اليوم يقول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا الناس يعني إسرافيل هو الذي ينفخ يعني مرة أخرى فكيف ينعم كيف ينعم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني وقد التقم يعني إسرافيل ملك الموت يعني السور يعني فخلاص يعني السور هذا موجود بجوار فيه ملك الموت ينتظر فقط ينتظر متى ينفخ وهو خلاص يعني مستعد هكذا القرن يعني في فيه وهو فقط يستعد متى يكون متى الله عز وجل يعني يعطيه الإذن وهو يعني ينفخ مرة أخرى مرة يعني واحدة مرة أولى فالناس يموتون يفزعون يخافون لشدة خوفهم يموتون بالخوف ثم يعني بينهم ثم يعني ينفخ مرة أخرى والناس يستيقظون يعني خلاص يبعثون من قبورهم وبينهما كما قال أبو هريرة 40 يوم الله أعلم قال أبيت لا يدري 40 سنة شهر لا يدري 40 سنة لا يدري المهم 40 هذا هو الذي جاء في الحديث كما جاء في الحديث 40 يعني donc ici le jour on va souffler sur la trompe et que vous allez venir donc tous ensemble vous allez être ressuscités tous ensemble في لحظة واحدة في نفس الوقت كلنا من آدم إلى الآخر وقت واحد ليس هناك مثلا بعد ساعات ولا فلا يحتاج الى ساعات كلنا واحد نخرج من قبورنا من المكان الذي نحن فيه كلنا من ادم الى الاخر افواجا مباشره هذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى donc lorsque l'ange va souffler tout le monde va venir c'est à dire ici lorsqu'il va souffler donc la deuxième fois mais en réalité parce que la première fois lorsqu'il va souffler ceux qui sont encore vivants sur cette terre ils auront une peur on appelle ça el faza Donc ils auront une peur. Ils vont avoir peur et ils vont mourir. Et puis, lorsqu'il va souffler, donc Israfil, l'ange qui s'appelle Israfil, il va souffler, ils vont aussi être ressuscités. Donc ils vont être ici ressuscités. Et entre deux, il y a 40, comme le dit Abu Huraira, on lui questionne à 40 jours, 40 heures, non 40 jours, il a dit je ne sais pas. Ah bête, je me refuse de répondre. 40 mois, je me refuse, 40 ans, je me refuse. Allah a'lam, 40. Et les gens, bien sûr, donc, il va être ressuscité. Tout le monde va revenir. Et juste après, il montre bien. Et ils vont tous être donc fil ard. Hadil ard yani mustawiya. Hadil ard yani mawqif. Nous sommes le mawqif. Ard wahida. La an al ard. An khas ayna mamdoul hakada. Yani ka annaha yani qura. Ka annaha qura. Takriban. La terre, elle est à peu près comme un ballon. À part à quelques endroits près, elle est comme un ballon. Elle est ronde. Et elle va devenir plate. Donc elle va quoi? Elle va être plate. C'est terminé. Il n'y aura plus de montagne, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de niveau. Tout il sera plat. Elle dit belle. Donc les montagnes vont s'aplanir. Et la khayi. Ard wahida. Hatta nas kulluhum yarawna Allah subhanahu wa ta'ala. Yarawna kulla shay. Tout le monde va voir tout ce qui se passe. Hein? La tudamun. La tudamun. Personne ne va ne gêner personne. Tout le monde va voir. Tout le monde va voir ce qu'il y aura. Tout le monde sera sur la même esplanade. La même terre. وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحت السماء تفتح هكذا يبدأ أول شيء التي أن هناك تفتح السماء أول شيء فكانت أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفا محفوظا تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأن هذه السبع الشداد يجعل الله عز وجل يوم القيامة كأنها لم تكن وتكون أبوابا هكذا فهكذا الله سبحانه وتعالى يبدأ بما نشاهده دائما يقول لا يوم نرى الأرض نرى السماء أما هذه نرى السماء فالناس بس الله عز وجل يبدأ بإعلام قدرته على الناس قبل أن يرى هو يبدأ بأمور مقدمات قبل أن ترى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل commence ici par le ciel. La terre elle est plane, c'est une terre plane. C'est terminé les montagnes, c'est terminé. Tu étais dessus. Il commence par les choses les plus habituelles. Il commence aussi par le ciel, parce que tu es habitué à le voir tous les jours. Et tu n'as jamais remarqué que le ciel il a changé. C'est toujours le même ciel. Ça là. Donc tu vois toujours ce que tu vois au-dessus de toi. Ce bleu ou l'akhiri. Et là, les portes vont s'ouvrir. Quelque chose que tu n'as jamais vu toute ta vie. Donc quelque chose encore de nouveau. Tu ne connais pas ça. Hein, tu n'as jamais vu ça. Alors que dire de ce qui va venir après? Alors il te montre rien par rapport à ce qu'il fait avec ses créatures. Et là tu es déjà étonné. Alors que dire en vérité de le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah va venir et qu'il va juger les gens. وَسُيِّرَتْ الْجِبَلْ فَكَانَتْ سِرَابًا أَيْ الْجِبَلْ عَظِيمًا صَمًّا تُدَكُّ فَتَكُنْ كَرَمٍ ثُمَّ تَكُنْ كَسْرَابٍ تَسِيرُ يعني هكذا. Donc et puis aussi donc les montagnes vont s'aplanir, donc elles vont s'affaisser, elles vont devenir comme ramel, elles vont être comme de la terre. Limada in khawfan min khashiyatillah kama khafat an taqbil amada alquran hiya abat sah lama alazrin yani talaba minha an takhudh alamana rafadat limada min khashiyatillah wa min shiddat khashiyatillah fi hadha alyawm fa hiya tusbihu kal ramel fa tusbihu kal ramel. Ici, les montagnes vont devenir comme de la terre. Comme de la terre, elles vont s'affaisser. Pourquoi? Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont refusé, l'amana, elles ont refusé ici de prendre le Coran la première fois. Par crainte d'Allah. Et bien la même chose ici, elles vont se refuser, mais là, ça sera fi'lan. Là, on va le voir. Elles vont être donc rien du tout. C'est pour ça que la terre, elle sera à kul hal. Il n'y aura plus de hauteur. Il n'y aura plus de niveau bas, de niveau haut. C'est terminé, nivelé, dénivelé. C'est terminé tout cela. Tout cela à kul hal sera terminé, la terre sera plate. Qi'an, comme a dit le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une terre plate. ثم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الطغيان بمعنى مجاوزة الحد. وحد الإنسان مذكور في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالطاغي هو الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى. هو الطاغي الذي تجاوز الحد. خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى وهو رفض ذلك للطاغين مآبا تجاوز الحد فمن جاوز حده ولم يعبد الله سبحانه وتعالى فهو طاغي فجهنم كانت للطاغين مآبهم ومرجعهم وأنهم لا لابثون فيها أحقابا يعني دائما وأبدا أحقابا كثيرا يعني وقتا طويلا دائما وأبدا أحقابة بمعنى يعني حقب الحقب بمعنى يعني قرن كأنه قرن يعني جينيراسيون وأحقاب جينيراسيون بار جينيراسيون يعني وقتا طويلا جدا يبقون يعني في هذه يعني الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بدأ مباشرة بجهنم لأن أول شيء الذي يرى بعد ذلك هو جهنم أول شيء الذي يرى بعد ذلك هو جهنم لتخويف الناس هذا في هذا اليوم لتخويف الناس في هذا اليوم هذا الناس ليس هذا اليوم ليس اليوم يعني راحة لذلك جميع أسماء يوم القيامة كلها تدل على تخويف كلها تدل على تخويف وما في يوم ما في شيء يدل على يعني على راحة وعلى أن هذا اليوم سهل أبدا لا أبدا فننتهي بذلك وإن شاء الله نكمل يعني يوم الأحد إن شاء الله نكمل يوم الأحد ديماش إن شاء الله نكمل إن شاء الله لدينا تفسير سورة النبا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Elle est aux aguets. Hein? Elle est aux aguets pour qui? Pour ceux qui donc, ont dépassé les limites. Ce sera donc la dernière demeure de ceux qui ont dépassé les limites. Et ils vont rester, bien sûr, éternellement. Ils vont y rester en vérité longuement. Donc certes, Allah Zalussi, il commence directement par le jour dernier. Parce que ce jour, il est venu pour faire peur. Il n'est pas venu pour rendre la personne heureuse. Tout le monde aura peur de ce jour-là. Et il commence par l'enfer. Et il commence par récompenser donc, ceux qui méritent justement cette récompense. Donc de l'enfer, quelle triste récompense en vérité que l'enfer pour ceux qui ont qui qu'ils ont donc ils sont tarines, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé les limites. Et quelles sont les limites à ne pas dépasser, c'est-à-dire le fait de ne pas en vérité obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Zal t'a créé pour que tu l'adores. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ceux qui ne désobéissent, donc ceux qui n'adorent pas, donc ils ont bien sûr donc dépassé les limites. Et ils vont y rester donc éternellement. Inch'Allah, donc on verra ça. Donc dimanche, Inch'Allah, on verra ça par la suite. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.